réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Ben oui, Critique de Crowd, je critique les foules. Je t'observe, j'essaie de te comprendre. Je participe aussi, je suis parmi toi, Crowd. Et cette semaine, pour une deuxième édition, les compilations Satire. Et oui, Satire, Éric Satire nous a organisé une belle fin de semaine à la brasserie Beaubien. Et je le mentionne avec beaucoup d'amour parce que je vais y jaser tantôt au téléphone. Et ça va avoir été, oui, deux bonnes journées de punk rock vendredi et samedi dernier. Alors, un compte rendu un peu tous les groupes qu'il y a eu. Et dans toute la variété, je pense à Danton Fiasco et son merveilleux ska. Il y aura aussi Route Saint-Louis de Slums, Cirrus et Cendrier et bien d'autres parce qu'il y avait pas mal de groupes pour tout ce week-end. On va commencer tout de suite en musique. Ah, je les adore, Montréal Carnivore. Ils ont sorti une nouvelle chanson et je vous l'avais toujours pas diffusée. Ah! Alors, ça, je remédie à la situation en vous passant bas à part sur les ondes de La Marge. Et tout de suite après, on jase avec Éric. Alors, de retour sur les ondes de la marge avec Critique de Crowd et surtout avec Éric de Satire qui est à l'autre bout du téléphone. Allô, allô. Allô, alors pour tous ceux qui sont peut-être des nouveaux auditeurs, pauvre toi, tu as manqué l'émission Satire qui passait les mercredis soirs pendant 10 ans. Et Éric, tu es toujours aussi, j'allais dire même peut-être plus, tu pourras faire le constat, prolifique sur la scène punk, tu écris pour Barricade et surtout, on souligne cette semaine les spectacles que tu as fait pour la compilation volume 2 Satire avec des beaux spectacles à la brasserie Beaubien. Mais tes affaires vont bien depuis que tu es parti de la marge? Oui, un petit peu plus actif, des projets plus variés. Ça me donne un coup de vieux, par exemple. Non! Ça fait 10 ans que je faisais de la radio, mais ouais, un petit peu plus actif avec les différents projets. Ça donne plus de temps, évidemment, là, pour travailler sur d'autres choses. Même si c'était bien le fun d'animer à CISM, c'est sûr. Oui, oui, ben c'est toujours une grande famille, et d'où la raison que je suis toujours heureuse de te parler, parce que y a tout un sentiment d'appartenance, comme dans le milieu punk. Je pense que le mot familial va revenir plusieurs fois durant mon émission. Mais hey! Depuis le temps qu'on se connaît, puis CISM, puis le monde au spectacle t'appelait Éric Satire, pas Éric de Satire comme Jolène de Critique de Crowd. Ça vient d'où, Satire? Écoute, Satire, c'est le nom de l'émission à la base. Au début, je voulais faire un peu plus de satire en faisant justement l'émission. Donc, c'était un très bon calembour, un beau jeu de mots. Puis finalement, regarde, c'est resté. Après, quand j'ai commencé à écrire pour Barricade Punk et tout ça, ben, je me suis dit, OK, je vais faire comme les bons vieux punk, Johnny Ramone et tout. Puis je vais m'appeler tout simplement mon nom, Éric Satire. Puis effectivement, en fin de semaine, c'est drôle, j'ai passé le commentaire aussi. Je dois l'assimiler, c'est Éric Satire, c'est vraiment mon nom. Oh mon Dieu! Là, je sais pas si c'est moi qui a pas la finesse des jeux de mots, mais là, tu viens de me l'apprendre que c'est un jeu de mots. Moi, je pensais que c'est comme Satire, comme Satire. Hé hey, là, je me sens... J'aime mieux ça, par exemple. Finalement, les jeux de mots, on s'entend, là. Non! Bon, hey, on en parle. Deuxième compilation qui est sortie quand même un petit bout avant les spectacles. Oui, oui, c'est sorti quoi, au début avril. Moi, je me rappelle même plus de la date exacte, là, mais oui, c'est sorti il y a un mois et demi, 2 mois, à peu près. Quelque chose comme ça. En version Bandcamp, alors version numérique et version CD en plastique. Pour toi, c'est quoi le rapport avec justement les différentes plateformes qu'on peut diffuser la musique? Je me demandais s'il y avait une espèce de attitude old school. Les punks aiment encore les albums en plastique. Les punks aiment encore les albums en plastique. Quand j'ai fait la compile, en fait, faut savoir, le projet, là, c'est un projet qui se crée, je dirais par lui-même, mais par les groupes. Moi, je pilote, après ça, c'est les groupes qui viennent s'impliquer là-dedans. Puis, mon idée à moi, c'était de le donner via Bandcamp. Il est téléchargeable gratuitement via Bandcamp. C'est les groupes qui m'ont demandé, il va-tu avoir des copies CD? Puis la question, c'était, en voulez-vous? Si vous en voulez, on va s'arranger. On va s'arranger pour créer quelque chose. Puis finalement, oui, il y a eu une demande pour en avoir en CD. Ça reste une carte de visite. Ça reste un beau souvenir aussi pour certaines personnes qui participent au projet. Fait que on l'a en CD, on l'a sur Bandcamp. Puis moi, je le mets partout aussi. Après ça, iTunes et Google Play et tout ça, au prix minimum. L'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité le plus possible aux groupes du Québec et un petit peu d'ailleurs aussi. Là. Ah, mais je trouve ça beau. Pour ceux qui n'ont toujours pas écouté la compilation, c'est pour la première ou la deuxième, ça compte quand même une vingtaine de groupes, mais on sent l'aspect communauté, collectif, à vérifier l'opinion de tout le monde, comment ça se passe. C'est beau. Ah, écoute, c'est vraiment le but de l'affaire, là, tu sais, de collaborer, pour, je dirais, unifier, là, mais de créer ce sentiment-là de famille, de faire découvrir des bands à d'autres bands qui ne connaissent pas nécessairement, qui sont aussi sur la scène. Fait que c'est ça que j'essaie de créer avec le projet. À date, ça a l'air à marcher. Fait qu'on continue avec ça. Oui, surtout, tu pourras peut-être me dire l'inverse, là, mais sûrement que c'est ISM t'a amené ces contacts-là avec les groupes. Mais tu m'as raconté qu'avec la première compilation, ça a aussi amené des nouveaux groupes. Sur la deuxième, je pense, entre autres, mon Dieu, le band français Demain Encore. Oui, effectivement, avec CISM, on s'entend, le projet initial, ça a été fait, j'étais connu comme l'animateur de CISM, c'est là que j'ai entré en contact avec une couple de bands. Après ça, c'est question de visibilité, question aussi des membres de groupes qui étaient dans des groupes sur la première compile qui ont d'autres projets aussi. Il y a bien des musiciens qui travaillent sur 2-3 projets en même temps. J'ai mon autre groupe parce que ça fitterait sa deuxième compile et tout ça. Demain encore, c'est un exemple, notamment, il y avait sur la première ces gens-là qui sont un peu la même gang qui a été avec une autre formation qui, au début de Satire, je faisais jouer. Donc, c'est un peu toute la même gang qui se sépare ou, en tout cas, qui travaille sur des différents projets. Puis oui, on réussit à continuer de mettre une liste. Liste de nouveaux groupes, une compile à la fois, là. Oui, qui ont l'air d'avoir un bon sentiment de confiance parce qu'il y a quoi, au moins 3 chansons exclusives sur la nouvelle compile, là? Oui, pour la nouvelle compile, oui, j'ai eu des groupes, justement, des exclusivités autant du Québec que d'Europe, des groupes qui vont sortir. Il y a des groupes comme Society Zill qui vont sortir leur album ce mois-ci. On a une nouvelle chanson sur la compile. Il y a Still Insane de Québec qui nous avait donné quelque chose. Depuis, ils ont sorti leur EP. Demain encore, la même chose. Donc, oui, on a des exclusivités. Ça, c'est bien le fun. Bon, on l'a mentionné, ouais, plusieurs groupes français que... Est-ce que, encore une fois, c'est ISM qui t'a amené à les connaître parce que ou t'es allé en France puis il parle genre chose? Non, ben j'ai toujours aimé la musique française, le punk rock francophone. Puis au début de CISM, là, j'animais avec un de mes amis, les Rochetons de Gérard Lambert. On avait des quotas 100% francophones. Fait que là, je me suis fait une bonne liste de bandes qui chantent en français. Là, puis c'est de même qu'on a commencé à connaître les bandes, dans le fond. C'est surtout, on a parlé au bar à Brasserie Beaubien. Je me suis dit, au nombre de bandes français qui a sa compilation, mais il semble que ça doit te donner le goût d'aller en organiser un en France, tu sais, rendre l'utile à l'agréable tant qu'à voyager. Ah, c'est sûr que ça serait le fun. Hein. Ça serait un beau trip. Là, je me dis, peut-être que je peux commencer par en présenter un à Québec, mettons. C'est un petit peu moins loin, voir comment ça va dans Montréal. Puis après ça, on pourra regarder ailleurs, mais c'est sûr que ça serait vraiment, vraiment le fun. Là. Puis tu sais, j'entends du monde de Belgique, de Suisse qui connaissent ces compilations satiches. Oh my God, OK, c'est vraiment le fun. Oui, parce que Hello My Name Is, c'est un groupe belge. C'est un groupe suisse, Hello My Name Is. Puis il y a Chump qui est un groupe belge sur la nouvelle compile, ouais. Petite confusion parce que j'étais trop dans ces fantasmes de spectacles ailleurs, mais revenons à la réalité. Les spectacles qui sont passés à la Brasserie Beaubien la semaine dernière, vendredi et samedi. Ton propre compte-rendu peut-être, de crowd ou tout simplement du spectacle? Ben, je pense que le party était pas mal pogné. Hein? J'ai bien aimé l'ambiance qu'il y a eu dans les deux soirées. La première soirée avec Cérose et Cendrier, moi, je me promenais un petit peu partout dans la salle pendant toute la soirée. Puis quand Cérose et Cendrier étaient embarqués, je voyais le monde, qui la mâchoire qui se décrochait. Je disais, OK, il y a du monde qui les connaissait, il y en a qui les connaissaient pas. Ils ont fait lever le party qui était déjà bien commencé avec The Slums et Route Saint-Louis. Eux autres sont venus comme assommer tout le monde. Il y avait Fidel Fiasco après, que la musique se prêtait à finir un show de manière assez bien arrosée. Donc non, c'était vraiment le fun. Puis petite anecdote, là, il y avait le gars qui jouait aux machines en arrière, qui on s'entend qu'il n'avait rien à cirer du spectacle. Qui, à un moment donné, s'en vient me voir, disant, je peux-tu acheter des albums des groupes? Puis après ça, pendant Fidel Fiasco, je le vois en plein milieu du floor. Ça fait, oh, OK, c'est le fun. Le party a bien pogné. Deuxième soirée, plus classique punk avec La Cavale, Pain Relief, Society Zill, puis Ska Festive de Downtown Fiasco pour finir. Puis là aussi, je pense que ça a levé. Donc, mon constat à moi, c'est, encore là, je reviens à c'est quoi l'objectif de tout ça, tu sais, de créer des relations, que le monde se parle, que le monde ait du fun. C'est sûr que là-dessus, c'est atteint. Est-ce qu'on veut plus de monde? On veut toujours plus de monde, mais somme toute, à Brasserie Beaubien, je pense qu'on a eu deux bons spectacles. Oui, et est-ce que tu es un fan de la rue Beaubien? Parce que la dernière fois, c'était à l'hémisphère gauche, à peine a eu deux coins de rue de différence. C'est toujours une question d'opportunité. Le projet se fait aussi avec les groupes. À la base, un week-end satire, c'était pas nécessairement dans mes plans, mais c'est avec Antoine Lacavale, qui est très actif pour faire rouler son ben, et actif sur notre scène aussi au Québec, qui me proposait ça, qui avait les deux dates. On s'est dit, OK, pourquoi pas faire ça à Brasserie Beaubien? Puis tu vois, encore là, Je pense qu'il y a bien du monde qui ont découvert la place. Le son, il était bon, puis ça se prêtait bien là au type de spectacle qu'on avait. Fait que, ouais, voilà. Mais non, j'ai pas de place favorite. La vue vaut bien, ben c'est parce qu'avec l'hémisphère et la brasserie, ben, ça s'en vient un petit rendez-vous. Hein. Ça a toujours été un petit rendez-vous pour les punks. Oui. Ah ouais, hey, c'est niaiseux, là, je l'ai pas... j'ai aucune idée où t'habites, Eric, là, je suis pas en train de... Non, mais je me suis dit, tant qu'il habite dans le coin, c'est pour ça qu'il a envie d'aller à ses shows à pied. Ah, puis je dirais que c'est un peu le défi, hein, quand on a quatre groupes comme les deux soirs, ben la fin, c'est plus les métros sont fermés, puis tu vois, il y a des gens qui me disaient ça, ah, faut que je parte, le métro est fermé, puis finalement, à la fin du show, il est encore là, je me dis, oh, son retour va être long, mais bon, ça a l'air que le spectacle est assez bon pour rester, fait que, ouais, c'est ça. Hé, hey, mon Dieu, mais tu dis ça, mais c'est moi, ça, c'est moi qui t'ai dit qu'il fallait que je parte pour le métro. Je pense à la compilation encore, parce que j'adore tellement les dessins de... Je sais, je pense un peu du coq à l'âne, hein, mais c'est parce que j'ai encore en tête l'image de François Donatien cette fois-ci. C'est un punk un peu plus straight, à chemise rentrée dans ses pantalons, qui se brosse les dents, puis un punk, son reflet dans le miroir, qui est plus rebelle et qui gicle. Qu'est-ce qui gicle, donc, du spray? C'est ouais, je pense que c'est du spray de la peinture aussi, parce qu'il vient d'écrire. Oui, il vient d'écrire Satire. Hey, là, je l'avais en tête, mais pas assez clairement. François, il est écœurant, là. Il fait des super beaux dessins, puis ouais, je suis bien, bien content de travailler avec lui pour ça. Mais surtout celui-là, je le trouvais peut-être, c'est peut-être pas qu'il extrapole, là, et un jeu de mots avec miroir et reflet d'aujourd'hui. T'avais pas l'impression que c'est un certain reflet du punk rock? Vieillit-il bien? Quel est son reflet aujourd'hui par rapport à une culture qui, oui, s'inspire encore de ce qui s'est fait punk rock skate des années 90? Ben, en fait, c'est tout à fait ça, là. C'est ça qu'on voulait représenter par la pochette de... Et ça ressemble à ça, les punk rockers d'aujourd'hui. Puis je parlais avec des membres de Ben qui se voyaient eux-mêmes dans cette pochette-là aussi. Hein, toujours le cœur, l'esprit punk. Puis après ça, ben d'un autre côté, on s'entend, la foule vieillit. Tout le monde, il y a du monde qui ont des familles, il y a du monde qui ont un travail plus régulier. Puis après ça, ben la soirée, ils deviennent punk quand même, en sachant que le lendemain, ils ont leur responsabilité qui revient. Fait que oui, c'est un peu un reflet de la scène, puis c'est un peu un reflet de moi-même, comment je me sens aussi des fois, là. Fait que, ouais. Oui, mais en plus, c'est deux semaines à ton événement, deux semaines après celui du Puzza qui est devenu... ça fait plusieurs années qu'ils sont rendus plus familial avec le Puzza Bambino. Je trouve qu'en même temps, vieillir n'est pas nécessairement négatif. Ça prend des tournures qui s'adaptent aux gens qui consomment cette musique-là. Et je trouve que pour moi, ta fin de semaine, c'était comme une dose supplémentaire de punk rock qui m'a comme fait du bien, là. Je trouve que, je sais pas pour toi, mais je trouve que cette année, je la vis très punk rock. Oui, c'est sûr, avec le Puzza, le Rockfest, c'est niaiseux à dire, il y a une espèce d'effervescence de groupe punk rock, même si il y a moins, on s'entend, il y a moins de foule. Sortir des groupes, on parlait du punk rocker qui vieillit, il y a bien, bien du monde qui me disent, ah, moi, je découvre plus rien, ils restent accrochés sur leur vieux groupe, puis pourtant, la scène est en effervescence. Il y en a plein de groupes, là, avec, tu sais, j'ai pu présenter 8 bands en 2 soirs, puis 8 bands qui sont capables de se défendre, là, sur des planches, puis qui mériteraient d'être connus bien plus que ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on attend pour une troisième fin de semaine, une troisième compilation? T'as l'air d'être pas mal parti comme aux 6 mois ou aux 9 mois. Est-ce que j'ai raison? Oui, il y en a une troisième qui est prévue. Effectivement, là, on va la laisser, on va travailler là-dessus cet été. Je regarde pour en sortir une en automne prochain. Encore une fois, ça dépend des groupes. Tant que les groupes embarquent dans ce projet de fou-là, ben moi, je continue de le piloter. J'aime bien ça. Puis, entre toi, puis moi, puis tes auditeurs, j'ai déjà une liste assez complète pour la troisième compilation. Fait que là, il va falloir trouver avec François. On a vu François pendant le week-end, puis il sait qu'il y a un autre petit contrat de ça en vient. Mais déjà, les punks, je crois que c'est dans ses dessins fétiches. Il doit avoir une belle collection. Exactement. Mais merci encore, Eric. C'est toujours merveilleux de jaser punk rock sur les ondes de la marge. Et surtout, merci pour tout ce que tu fais, parce que oui, je trouve que c'est un événement rassembleur. C'est tellement facile de jaser avec le monde puis devenir ami avec tout le monde dans tes soirées. C'est assez. Je crois que c'est la particularité du punk rock encore aujourd'hui. Ben, c'est super. Merci beaucoup. Puis merci de continuer de m'encourager. Puis de venir au spectacle. C'est pas mal le fun. Yes. Alors, vous pouvez lire Eric sur Bearcat. Vous pouvez aller le télécharger sur Bandcamp, satire.bandcamp.com. Exactement. Merveilleux. Alors, on continue en musique. Et je te dis à la prochaine. Ben, merci. Salut. T'as juste à jouer plus fort pour oublier l'odeur d'animaux morts. Un micro qui pique, pis dis-moi si dans le clip, si tu veux des chips. Dans son PV pourri, mais pour la direction, ce qui est le plus important, c'est que tu mets plus de la boisson sur le cochonnerie d'équipement. C'est géré par deux frères, c'est pas des flèches en affaires. Y'en a un qui est dark, les dark, l'autre qui est white dark. Tout le monde fait son effort pour accepter. Personne n'est vraiment bon. Y'en a qui sont moins bons. Mesdames et mesdames, Stéphane. Papier, une odeur de botch, des cymbales fêlées sur un drum tout croche, c'est charmant. Yeah! Mais rustique n'est pas toujours un compliment. Laisse faire les slow avec des noms de bonnes femmes, c'est une place parfaite pour un band de poils. Pas besoin de gants blancs pour chauffer ma guitare, pas besoin de talent si on joue pas. C'est géré par deux frères, c'est pas des flèches. Ce n'est vraiment bon. Mais y'a de qui sont moins bons. Moins bons. Ça te fait encore moins beau bien par au-dessus de l'abattoir. vous venez d'entendre Cheval Fou avec la chanson Un beau bien parc, et vous avez aussi entendu une autre chanson en hommage dans la rue Bourbier, Beau bien du groupe Bonne journée. Vous écoutez toujours Critique de Crowd en ce spécial satire. Ah oui, encore plus de punk rock après les publicités. À tout de suite. C'est l'été, et qu'est-ce qui se passe en été? On danse à Pique-nique électronique. Part du bon pied en juin avec Ardalan Back-to-Back Christian Martin, B-Trades, Cora Country DJ Set, Jesse Rose, Prince Thomas et plusieurs autres. Pique-nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. La 27e édition du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal aura lieu du 29 mai au 18 juin. Faites votre choix parmi une sélection de plus de 800 performances qui auront lieu dans plus de 20 salles intimes. Célébrez les artistes locaux, nationaux et internationaux qui convergeront vers le plateau Mont-Royal pour un festival de théâtre, d'humour, de danse, de burlesque et plus encore. Soyez les bienvenus à la fête bilingue des arts indépendants la plus importante à Montréal. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Le 5 juin, en 5 à 7, Luciole. Et en soirée, Projet Coyote. Le 6 juin, en 5 à 7, Solify Lab Session. Et en soirée, Jefferson Bridge et Le Noir. Le 7 juin, La Gale et Virus. Le 8 juin, Black Void. Le 9 juin, Le Tarantino Show. Le 10 juin, en 5 à 7, Van Hoo et Foycy. En soirée, End of the Week. Le 11 juin, Desplug présente Massy Emma. Quai des Brumes, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Les Francopholies de Montréal annoncent l'été. Un événement gratuit chaque soir du 8 au 18 juin. Voyez l'événement d'ouverture Ford avec les trois accords. Dumas, Pierre Quenders et Lydia Kepinski. Yann Perrault avec plusieurs invités. Une excellente soirée. Sorel, Soviet, Saucisse avec Bernard Adamus. Et Karim Ouellet sur scène avec Mosaïen, Sans pression et bien plus. Info au francopholie.com. Une présentation de Bell en collaboration avec Foy du Canada en association avec La Presse Plus et CISM. Les Francopholies de Montréal reviennent en force pour leur 29e édition. Les femmes sont à l'honneur sur scène. La découverte de l'année au dernier gala de la disque, Safia Nolin. Les trois chanteuses Ingrid Saint-Pierre, Delphine Coutant et Fanny Bloom pour une rencontre unique où les univers se croiseront le temps d'une soirée. Et Claude Pelgag avec 29 musiciens. Les billets sont en vente au placedesarts.com, présentés par Bell en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. De retour sur scène, une prestation de l'album Awesome Wave et de nouvelles chansons. Algé, dimanche le 29 octobre, Place Belle, Laval. Billets en vente ce jeudi à 10h au 1-855-634-4472, evenco.ca ou placebelle.ca. Pour plus d'infos, visitez algband.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Damn. succès souvenir sur les ondes de la mer. Justement, qui a bien fait le son de CISM. C'est difficile de ne pas penser aux trois accords dont on a été les premiers à faire passer. Justement, je me disais, quelle chanson mettre des trois accords? Un de leur EP ou des plus récentes, mais je pense que c'est... Oui, Hawaiian est tellement bonne, mais sur Gros Mammouth, album et album Turbo, je crois que vraiment beau... est vraiment bonne, en plus d'être beau. Et c'est pas pour rien que je vous passe les trois accords. Simplement, ils seront en spectacle d'ouverture des Francofolies avec Dumas, Pierre Quenders et Lydia Kepinski. Et tout ça, ça se passe ce soir! Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et étant donné que j'aime la foule, ben j'ai envie que t'en profites tout autant, cher auditeur de CISM. Alors, plein de... oui, plein de suggestions. Et ce sera ma seule pour ce soir, parce que ben oui, allez en profiter. Crowd, elle est nombreuse et elle est belle sur la place des festivals. Et oui, il y aura plusieurs mentions des Franco dans mes suggestions de la semaine, mais on n'est pas en reste du tout. Montréal grouille de partout, entre autres au Festival Mural. Spectacle gratuit de Duchesse 16, No Joy et We Are Wolf. C'est sur Saint-Laurent, la zone principale, fait que va sur Saint-Laurent. Ça va bien se passer. Sinon, j'attends ce spectacle avec impatience. Horloge Simard qui vont nous faire un gros spécial baroque à l'Astral avec Carotté. Samedi, j'adore Funkinson. Il va jouer avec... DJ 7, on s'entend. Il va jouer avec The Holy Warg et Zinner au New Speak. Dimanche, c'est une tournée que je ne connaissais pas et c'est la toute première, alors je me sens pas trop... je me sens pas trop en retard sur l'information. C'est une tournée ambulante nord-américaine qui s'appelle Devastation of the Nation. Du brutal, du métal. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est notre cher groupe québécois Creatopsy qui sera en tête d'affiche avec Rivers of Nihil et Visceral Disgorge. Ça se passe au Foufoune électrique ce dimanche. Vraiment, allez-y, ça va être excellent. Parce que Creatopsy, il est beau, avec ses cheveux qui vont aller dans tous les sens et sa capacité gutturale. Bref, je vous le vois encore plus. Lundi, si tu veux me retrouver dans la crowd avec Jeff Rio des Criquets Crinqués, c'est à notre agenda tous les deux. On s'en va voir Antoine Corriveau à la scène extérieure des Francofolies. Sinon, et qu'il y a des spectacles, et j'avais bien envie de vous mentionner la présence de Double Date with Dead en première partie de Meat Bodies et Lemongrad à Lesco. Mardi, Chick Chick Chick va jouer avec Wake Island et Ryan Baby au Ritz PDB. Ryan Baby, je l'ai vu en première partie de Peaches et avec son escargot tout lumineux. Oui, c'est assez original de le voir en spectacle. Je crois que ça va être une bonne soirée pour vous mardi. Et aussi, ma bande de rockers, il y a les Indiens à la scène rock des Franco ce jour-là. Mercredi, ben peut-être pour toi, rappeur, Freddie Gribbs et Madlib seront au théâtre Fairmount. Et encore pour toi, rocker, parce que, ben, cœur de rocker, je pense souvent à toi. Conversion des Sauvages et Vulvette, des bien-aimés de la station. Alors, allez les encourager et surtout danser et animer cette crowd aux Francofolies, encore une fois. Alors, sur ça, on va écouter les merveilleuses chansons du palmarès francophone de CISM. Yeah. Vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. En ce spécial, parce que toutes les émissions de Critique de Crowd sont spéciales, mais celle-ci, c'est un spécial complètement satire. Et oui, vendredi et samedi dernier à la Brasserie Beaubien, jouait vendredi en tout cas, c'était The Slums, Route Saint-Louis, Cyrose et Cendrier et Fidel Castro, tous des groupes du Québec. Quelle belle province! Et ça... Ben, écoute, j'ai mis des chansons qui parlaient de Beaubien, oui, rue Beaubien, qu'il fallait bien traverser si on sortait du métro Beaubien pour se rendre jusqu'à la Brasserie Beaubien. Et je trouve qu'il y avait tellement une atmosphère particulière. Peut-être ça doit être les terrasses qui ouvrent, la proximité peut-être des commerces. Là, dis-moi, ça a l'air un peu drôle, là, mais c'est juste comme fait tard, il était 10 heures quand moi je suis arrivée. Puis avec la noirceur à l'extérieur et la luminosité des magasins, j'avais l'impression de zioter tout, toute la rue Beaubien. Et aussi d'être confuse parce que quand je me suis arrêtée à l'hémisphère gauche, je me suis carrément arrêtée parce que j'ai eu un certain doute. Je me suis dit, mais ne serait-ce pas... Mais non, ça tire cette fois-ci ici à la Brasserie Beaubien. Il y avait un autre spectacle et ça m'avait l'air tout à fait punk rock. Et bon, ma curiosité sera... limitée là, j'ai aucune idée c'est qui a joué. Mais dans la crowd rendu Brasserie Beaubien, j'ai appris que oui, il y en a d'autres qui ont été encore plus confus que moi, qui ont carrément payé à l'hémisphère gauche pour réaliser que finalement, ils n'étaient pas partout au bon endroit. Je trouve ça quand même comique. Ou au moins, ça me console de ne pas avoir été seule là-dedans. Et surtout, je suis bien heureuse de retourner à la Brasserie Beaubien, que je t'ai nommée 1000 fois depuis le début de l'émission, parce que je l'apprécie beaucoup. J'aime répéter son nom. Brasserie Beaubien, Brasserie Beaubien, Brasserie Beaubien. Parce qu'elle est tout à fait authentique. Je crois qu'avec... oui, les rachats de salles de spectacle. Oui, avec les rénovations qui, des fois, amènent aussi une certaine forme de normalisation, standardisation des salles de spectacle. Quand je dis salles de spectacle, là, c'est dans un sens aussi large. Là, je pourrais inclure en quelque sorte certains bars qui accueillent beaucoup des shows. Mais Brasserie Beaubien... Ah, quand je dis authentique, c'est... Justement, parlant de rénovation, c'est clair que je sais pas c'était quand la dernière fois. Justement, je suis rentrée, puis la première réaction, je me suis dit, c'est... Il me semble que la scène n'était pas aussi grande que ça. C'est-tu passé quelque chose, Brasserie? J'avoue, les propriétaires sont à peu près toujours présents, mais je pense pas encore assez friendly proche pour leur poser autant de questions. Fait que je me suis gardé une petite gêne et personne n'avait la réponse non plus. Je pense qu'on est tous un peu trop fêteurs quand on arrive à Brasserie Beaubien, fait qu'on a plus les notions de grandeur. Mais la scène était particulièrement grande et tant mieux, ça pouvait accueillir un groupe ska qui comptait quand même de nombreux membres. Alors, tant qu'il y a de l'espace, c'est bien agréable. Et c'est juste... Je me suis dit que ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allée parce qu'il y avait des espèces de bouts de restants de décoration. Clairement, ça a été déchiré puis c'était comme entre les tuiles, entre les comme les plaques du plafond. Partez que qui a mal viré, je sais pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose, clairement. Mais sinon, ça m'a permis de, oui, réapprécier ce lieu avec, tu sais, des fils qui sont sur une power bar, qui sont sur un autre fil. Je sais pas si c'est sécuritaire, mais j'aime ça. Mais et de réapprécier toutes les tuiles. Quand tu rentres à Brasserie Beaubien, je sais pas toi, crowd, mais moi, j'ai toujours le feeling inversé. J'ai l'impression que je rentre dans une salle de bain. Puis je me dis tout le temps, jusque où tu peux mettre des tuiles dans vie. Puis en allant genre sur Pinterest, ben je réalise que tu peux en mettre jusqu'au plafond. Fait que dans le fond, c'est bien correct. Fait que tu peux mettre en arrière ta scène, tu peux en mettre partout. Et comme on a mentionné aussi avec Eric, oui, une rangée de machines à loterie, oui, des tables qui font bien la au centre, moi je trouve que ça faisait une très belle division crowd assise qui, oui, a assisté au spectacle. Crowd de plus habitué ou si tu veux être un peu plus loin, le bar est bien agréable pour ça. Puis en même temps, ça laisse toute la place en avant pour pouvoir être debout. Je trouve que la division se fait naturellement bien là-bas. Puis c'est grâce, oui, c'est très simple, là, c'est psychologique comme barrière, là, mais c'est juste les tables qui sont bien placées. Et... je trouve ça vraiment drôle les fois qu'on a amené Eric et moi durant son entrevue, mais si on pouvait me dire que Brasserie Beaubien a quelque chose de punk, ben c'est la salle de bain! Tu sais, la salle de bain, elle est toute en bois. Il y a tellement des graffitis partout. Je trouve que c'est une des toilettes... je pourrais pas faire un palmarès des toilettes les plus punk de Montréal, mais en tout cas, si elle est pas dans le top 5, je mets au moins un 6 sur le palmarès de 10. Et... ah, il y a une toile, je sais pas, la toilette des gars. OK, oui, je suis allée, mais il y avait pas de décoration, il me semble. Il y avait beaucoup de graffiti aussi. Plus de toilettes, ça, je comprends pas. Mais dans la toilette des filles, il y a une espèce de toile qui a-tu vécu? Ça n'a juste pas rapport, là. Elle, elle a vu passer de la crowd, mais surtout une crowd de vis sur elle. La toile est fort, ben, coquette, là, ça se passe. Mais reste qu'elle a comme 10 000 vis autour. Et là, je me demandais, est-ce que la crowd essaye toujours de la voler ou c'est une toile instable puis est toujours en train de tomber? Puis là, après ça, genre, les propriétaires étaient tannés puis ils sont juste comme, ah, on va juste mettre 1000 vis puis ça va être correct. Sur ça, je réalise à quel point il faut vraiment que je pique une, une jasette, pas aux serveuses, mais vraiment propriétaire, je crois que c'est un lieu de vécu. Alors, je vous le promets, sur les ondes de la marge, ce retour à la brasserie Beaubien m'amène encore plus à vouloir connaître ce lieu. Et pour lui rendre hommage, on va écouter Brasserie, Brasserie des Marmottes Aplaties. Sur leur album Décadent, vous avez peut-être bien reconnu, mais non, je vous l'ai présenté, fait que tu l'as reconnu, certains brasseries. Et boy, je suis bien perdue sur les ondes de la marge. Je vous écoutais toujours une critique de crowd et ça doit être tout mon amour pour les marmottes aplaties qui me font perdre les paroles sur les ondes FM. Et oui, vous écoutez critique de crowd. J'allais dire encore en ce spécial, mais oui, en ce gros week-end de punk rock sur la compilation Satire qui se passe sur scène à la brasserie Beaubien. Et moi qui, oui, est toujours en retard, je croyais avoir manqué le premier groupe. Nénéo! Comme n'importe quel spectacle dans un bar, ça finit toujours comme commencer une demi-heure plus tard, comme de fait. Alors, j'arrive en plein set de Slums et c'est un accueil un peu particulier. Là, dis de même. C'est pas si original de voir une crowd distante, d'avoir une crowd. Tu sais, vraiment, ça faisait un demi-cercle, mais de vide. Et cette crowd aussi bien, c'est ça, un beau demi-cercle. Il n'y a pas tant de trous. Et les gens sont en avant, mais c'est ça, pas proche. Je vous dirais, au moins un bon 3 mètres. L'affaire, c'est qu'à la brasserie, tu sais, l'entrée est juste à côté de la scène. Fait que là, je rentre, puis je sais pas. Comment ne pas rester dans le hall? Je suis comme un peu pognée entre la crowd est comme vraiment bien placée, puis je vais pas me mettre tout en avant. Quoi qu'il y avait un gars qui était vraiment en avant, ça on appelle ça un supporter, là, je sais pas encore rendu là dans ma démarche de crowd. Fait que c'est ça un peu particulier de pouvoir me sentir à ma place, puis je vous dirais là, ça a été assez éphémère comme sentiment là, parce que c'est très très très très convivial, très sympathique et même là, bon, ça m'aura pris peut-être la fin de la chanson, je me place. Et pour vous dire comment cet espace vide avait quand même un impact sur la crowd, il y a quelqu'un, oui, il y a une machine ATM qui est juste à côté aussi de la scène. Il y a beaucoup trop de choses. Fait que ouais, juste à côté. Et durant une chanson, ben c'est ça, quelqu'un va retirer de l'argent et accepter beaucoup trop de frais. Ça, c'est une autre histoire. Mais reste que, pendant que, il voulait aller retirer de l'argent, il passait quand même à l'intérieur de ce demi-cercle inoccupé par la crowd. Alors, pour marcher, ben il y a dîner. Puis il a même dandiné en retirant son argent. Hein? Vaut mieux shaker du body pendant que tu payes trop de frais avec une machine ATM que de le vivre un peu platement. Fait comme, bon, j'essaie d'être subtil parce que non, tu sais, tout le monde te voit justement. Fait que je trouve ça quand même particulier, cet impact-là que ça peut avoir. Mais, quand je vous dis là, qu'il y avait quelque chose de camarade, puis oui, familial... C'est parce que très rapidement, après mon arrivée, l'atmosphère a complètement changé. Alors, un qui danse comme un peu du ska, là, je vous ai parlé aussi du supporter. Le supporter, il fait vraiment des moves de supporter, comme en sport, là, quand tu mets tes bras en 90 degrés, pis t'es comme « Yeah! » Beaucoup de photos aussi. Il va y avoir, déjà, il y avait un photographe pour l'événement, mais il y en a d'autres qui prenaient beaucoup de souvenirs. Surtout après, oh mon Dieu, je pense que c'est la route Saint-Louis. Alors, je vous reviendrai un peu plus longuement sur le sujet tantôt. Et pendant cette arrivée et cette installation de crowd au centre, ben danse de ska, ouais, relativement ska, d'un danseur tout en plâtre, du moins de son bras, de sa main. Et j'ai trouvé ça beau comment le plus craqué était peut-être le plus éclopé de la crowd. Et je sais pas trop à quel moment précisément... quelqu'un échappe de la bière, elle tombe carrément par terre comme pouf. Puis en même temps, elle vrille comme quand tu joues, que tu jouais, là, quoi que tu peux toujours avoir cette occupation-là dans tes passe-temps. Là. Bref, ça a tourné comme quand on joue à bouteille. Tu vois, j'ai de la misère à en parler parce que pour être franche, j'ai jamais joué une game de necking avec une bouteille. Là. C'est quand même ça le but là, de frencher du monde avec le bout de la bouteille. OK, hey, c'est le pire résumé au monde de jouer à bouteille. Reste que pour moi, je trouve que ça fait plus partie comme d'une espèce de mythe populaire parce que je connais personne non plus qui a joué vraiment à ça. Reste que le mouvement me rappelait exactement la chose. Et si ça n'a pas amené du Frenchage dans la salle, ça aura amené un vent de folie. Ça, c'est assez assuré parce que là, il y a... Le même malpris du bras, ben il a décidé de glisser carrément sur la bière de façon très hollywoodienne là. Tu sais, tu te donnes un élan puis tu glisses. Oui, tu glisses sur les genoux pour plus l'étendre probablement, tu sais, tant qu'à avoir un petit gâchis, autant faire quelque chose de pertinent. Quoi qu'après ça, il y avait comme du verre cassé, non? Enfin, il y aura pas eu de blessure supplémentaire, mais pour d'autres ça aurait été aussi l'occasion de juste danser dans cette flaque. Encore plus, oui, apporter peut-être quelque chose de sympathique, ludique, à simplement une gaffe qui aurait pu prendre la place inutilement. Bref, il y avait comme ce moment de folie. Les gens étaient tannants. Ouais, c'est vraiment le mot que j'avais. C'était coquin, c'était sympathique. C'était pas, ça avait pas d'impact grave. Puis ça rajoutait vraiment un plus à cette foule. Alors voilà, The Slums. Et on va continuer en musique justement en écoutant avec leurs chansons qui se retrouvent. Et là, oui, je vais le répéter tout le temps. Je vais le dire juste cette fois-ci. Toutes les chansons que vous allez entendre des groupes se retrouvent sur la compilation volume 2 de Satyre. Alors Bermuda Triangle Night. Thank you. with no tomorrow. Bermuda Triangle Nine. Bermuda Triangle Nine. The show I saw, but I need some more. Let's take a walk to the store. That I'm going to shout and twist in the mist, which you miss. Bermuda Triangle Nine. Bermuda Triangle Night, une chanson du groupe The Slums qui était les tout premiers durant la fin de semaine, s'attire à la brasserie Beaubien, suivait Route Saint-Louis et comme j'ai déjà un peu mentionné, il y avait un caméraman, je crois qu'il était plus présent durant Route Saint-Louis, mais il était là pendant toute la soirée à conserver les souvenirs en vidéo, tout en son et en images et tout en proximité parce que là, c'est sûr. C'est sûr qu'ils se connaissaient, c'est sûr. Aussi la façon... déjà, les commentaires... Ah, je l'ai pas encore dit, mais oui, les commentaires sont très, très... très... Aïe, j'ai pas le mot, mais... Pas familial, pas... ben oui, amical, mais disons que c'est très permissif. Oui, c'est drôle, puis non, c'est jamais exagéré. Là, il y a pas eu de grivoiserie, même. Plutôt dans le sens où les gens ne sont pas gênés de s'adresser au groupe, parce qu'il y a vraiment un rapport de proximité entre la foule et la crowd. Oui, parce qu'il y a déjà en soi beaucoup de groupes dans la salle. Et faut le dire, vous êtes quand même vraiment... Des fois, des musiciens, ça peut être plutôt effacé plus loin. Mais là, les punk rockers, je trouve que vous êtes vraiment une bonne crowd, autant sur scène que dans la crowd, parce que vous avez envie de participer, vous aimez ça répondre à vos amis, vous jasez, vous en faites un petit peu plus que d'autres musiciens de d'autres genres musicaux. Fait que ça fait déjà, déjà un plus en soi pour ce genre de soirée. Et bon, je pourrais pas dire pour le caméraman, mais oui, tout comme d'autres gens dans la foule, on le sentait, cette proximité-là. Lui, c'était dans les deux sens. Il était proche physiquement aussi. Tu sais, il était là avec sa caméra. Je dis caméra depuis tantôt parce que je suis assez certaine que c'était vraiment un appareil, là. C'était pas son téléphone. Bref, peu importe la technologie, il était dans leur face. Il était vraiment comme... Pourquoi zoomer, hein, quand tu peux faire un vrai gros plan juste en étant dans sa face? Et... En même temps, ils sont un peu laborieux. À un moment donné, dans la soirée, il y avait... il y avait déjà comme donné un drink. Je dis un drink parce que c'était pas un shot. Là, c'était vraiment comme un fort avec un glaçon. Puis un peu plus tard, il revient avec justement un shot, une bière, sa caméra. Il y a quand même deux mains. C'était rushant. C'était quand même rushant. Je me disais, oi, quelle vidéo. Parce que lui, je pense que ça continuait toujours à filmer. Ou du moins de ce que je pouvais voir sur son écran. Et je serais quand même pour une fois très, très curieuse de voir c'est quoi le résultat. Tu sais, la séquence où tu rush avec ton Jameson, ça me fait quand même beaucoup rire. Tu sais, tant qu'à avoir des vidéos fait maison, hein, autant y mettre justement l'authenticité de la brasserie Beaubien. Ah, tout est dans tout, je vous le dis. Sinon, dans la foule, il y a un certain énervement. Il y a une fille particulièrement dansante dans la foule. Elle s'amuse. Et même qu'à un moment donné, elle va vouloir son trash. Je dis son parce que c'est elle qui l'a entrepris. Et je crois qu'on a tout fait comme let's go. Elle veut un trash. Allons-y gaiement. Parce que, tu sais, t'entonnes coquinement les épaules des gens dans la crowd. Voir c'est qui est partant. Et au début, c'était pas si efficace. Mais finalement, ça l'aura été. Ben oui. petits trash, sympathiques. Ouais, j'ai pas tant d'autres descriptions parce que techniquement, c'était plus comme pousser le monde un peu de façon disparate, là, sans technique particulière. Et même que vers la fin du set, j'espère que c'est durant la chanson, la reprise « Je t'aime comme un fou », mais ils ont aussi eu Body Surf, que j'appellerais peut-être plus comme une chaise, là. C'était comme une chaise Body Surf. Il y avait deux gars qui la soutenaient et au lieu d'être couché, parce qu'on pourrait quand même être tenu comme par peu de gens et être quand même étendu, elle était plutôt assise. Ah! Ça faisait bien royal comme comme body surf. Sympathique. Ben oui, le temps que ça dure, parce que ça a été assez court. Et oui, j'ai mentionné « Je t'aime comme un fou » reprise. Et ce sera pas le seul groupe qui va faire des reprises de punk rock. Non, pas pour « Je t'aime comme un fou » en passant, là. Ça, c'était une version adaptée. Mais pour les autres, oui, quelques classiques punk rock. Et peu importe le groupe, c'est pas que c'est unanime, là, mais oui, là, je veux dire, ça amène une ambiance supplémentaire. Je sais pas si vous êtes plus nostalgique que d'autres genres musicaux, mais là, il y a comme une ferveur supplémentaire. Tout le monde est comme vraiment content d'entendre sa toune. Et même là, je sais pas à quel point j'aime ça ou j'aime pas ça, des reprises dans un spectacle où on voit principalement des créations. Mais là, vraiment, je trouve que ça rajoutait un plus, sans dire que la qualité n'était pas au rendez-vous, bien au contraire. Simplement, je trouve, justement, le rapport de proximité dans la crowd, le fait qu'il y ait les mêmes référents culturels, fasse en sorte qu'ils sont comme « Yeah! On l'aime tous, puis on en veut plus! » J'espère que c'est clair. Mais c'est comme juste un petit oomph de plus, comme un clin d'œil. Oui, comme un clin d'œil à sa crowd. Alors voilà, ben on en parle, on va en écouter Route Saint-Louis avec la chanson Au jour le jour. Partir seul pour se faire nowhere, sans tout savoir ce que je veux faire et couvrir d'autres horizons. Bon, voici le livre en raison. Je suis seul avec moi-même et je pense à mes priorités. Pourquoi j'ai voulu décrocher pour aller vivre ma destinée? C'est derrière moi pour maintenant vivre une vie de bohème. J'avance tous les jours pas à pas quand je m'ennuie, j'écris des poèmes. J'm'arrête des fois pour travailler, faut bien qu'un gars soit à manger. Puis après une ou deux semaines, je repartir où la route me mène. Je vis ma vie au jour le jour sans jamais prendre aucun détour. J'sais pas exactement où je vais, mais avec moi je suis en paix. Derrière moi pour maintenant vivre une vie de bohème. J'avance tous les jours, pas à pas. Quand je m'ennuie, j'écris des poèmes. Partir seul pour se faire un nowhere, sans trop savoir ce que je vais faire. Découvrir d'autres horizons. Pour moi, c'est les livres raisons. Des fois, je trouve ça en haut. Quand je jouais toutes les fois, j'ai à voir. Dans ce temps-là, je pense à mon futur. Puis ben, j'ai une partie à l'aventure. Route Saint-Louis sur les routes de la marge. Oui, sur les ondes de la marge avec Critique de Crowd. Et arriveront un peu plus tardivement. Je dis tardivement parce que les musiciens étaient installés du moins la moitié de Cirrose et Cendrier. Et durant quelques moments d'improvisation musicale, même eux, ils ont fait le commentaire comme coudonc, ils s'en viennent dessus. Ils s'en viennent-ils, les deux guitaristes, mais pas tant, il y en a juste un parce que le second va plutôt arriver en chaise roulante. Il paraît qu'ils l'ont trouvé dans la rue, par hasard, ça a donné bien parce qu'il était... ben oui, c'était les clopés du début de la soirée. Tout le monde était magané hein, en passant ce soir-là. Tantôt, je vous ai parlé de la fille à qui on a offert un merveilleux trash. Mais elle aussi, elle avait le bras cassé, ou du moins un plâtre. Le plâtre était un objet tendance. Ce soir-là. Et cette fois-ci, ben oui, ça a remis un accent supplémentaire à la théâtralité du groupe Cirrose et Cendrier. Alors, chaises roulantes. Au lieu des solités, ce sera plutôt des canettes de bière accrochées. Jaquette d'hôpital. Et quand je dis théâtral, ben, étant donné que cet accessoire fait en sorte que c'est un spectacle assez unique auquel j'ai assisté, et tant mieux parce que j'ai trouvé que ça faisait un plus, j'y croyais. Je pensais qu'il était toujours comme ça, parce que Cyrus et Cendrier font surtout... je trouve qu'il y a quelque chose de Tim Burton-esque. Tu sais, des voix déjantées et des mimiques avec tes faces. Fait que, oui, ça rajoute à leur chanson, parce qu'en soi, je trouve que ça se retrouve aussi dans leur musique. Mais entre les tunes, c'est là que ça prend, oui, tout son aspect théâtral. J'ai pas d'autres mots. Et la crowd sera plus nombreuse, plus proche, mais plus tranquille. Parce que comme j'ai dit, oui, le gars avec son plâtre, ben, c'était le plus énervé de la foule. Et il était très participatif avec son frère. Les deux sont dans le groupe. Alors, au lieu de s'embarquer un par-dessus l'autre, il était tout le temps en train grimper sur le dos de l'autre, puis comme faire des tours, s'amuser. Il était rigolo dans la crowd. Mais c'est sûr qu'il aurait pu le faire aussi durant leur set, mais ça a quand même cet impact-là. Je vous ai dit tantôt que c'est une très bonne crowd, les punk rockers, mais aussi, ça donne des bons shows, mais il y a quand même que t'as plus le même rapport avec la foule. Tu n'es plus public, tu es le spectacle. Alors, il y a quand même eu justement cette différence-là où les plus énervés, ils étaient sur scène. Fait que oui, ça a un impact sur la foule qui est plus calme, mais on voyait quand même l'engouement, parce que les gens s'étaient vraiment rapprochés, vraiment beaucoup. Et même si je dis là que ça a été calme, pas tant non plus, parce que c'est ça, ils sont plutôt bordéliques, là, le fil dégroche. Là, le gars qui est en avant, notre cher supporter, il vient l'aider. Là, après ça, la pédale, alors, là, le supporter, il s'en va. Oui, il s'en va la ramener parce qu'il l'avait lancé du bout de ses bras. Fait qu'il se passe quand même, il se passe quand même de l'action. Et oui, il y aura quand même un trash, puis ça va beaucoup avec la musique. Ça aurait été plutôt des grands sauts en groupe. Parce que j'ai essayé de trasher à deux et ça a été vraiment pas du tout conclivant. Là, ça a plutôt fini comme moi qui tombe avec la personne. Je suis comme, ouais, technique inefficace. Surtout avec les restants de bière, tu sais, qui restaient du début de la soirée. Plancher glissant. Et sinon, c'est quand même, je crois, la seule fois qu'il y a eu durant la soirée des headbangs assez en rangée aussi. J'ai l'impression que c'était le moment le plus... métallique de la soirée. Je pense, c'est pas, c'est, je trouve que c'était à cause de la batterie, on suivait le rythme. Et ça aussi, ça a été un plus bien sympathique et qui prouve encore une fois qu'il y avait quand même, oui, de l'énervement dans la crowd, même si on avait enlevé les, les deux plus tannants. Et en même temps aussi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que ça avait pris de l'ampleur durant le spectacle. Justement, qu'on part de plus calme à un bon niveau d'énervement. Alors, quelque chose en gradation, je trouve que c'est beau. Et ça montrait aussi cette écoute, parce que ça correspondait au choix musical qui allait aussi en ampleur. Alors, on va aller en écouter. Cyrus et Cendrier, le bal des bouchers, mange la mort. Petit extrait de Pain Relief qui... oui, c'était eux qui jouaient quand je suis arrivée le deuxième soir des soirées satire, au week-end satire, devrais-je dire. Et oui, ça rentre bien au poste, mais aussi c'est une drôle d'arrivée en retard comme d'habitude, mais je suis arrivée exactement au moment où ils ont dit « OK, tout le monde, tout nu! » C'est toujours... tu sais que ça se passera pas vraiment. Ben, à moins d'être vraiment dans une soirée fétiche ou quelconque. Là, mais autrement, non, ça n'allait pas se passer. Mais c'est toujours très drôle d'arriver à ce genre d'affirmation. Et sinon, tentative de surculpite vraiment très mauvaise. Ah! Non, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, c'est juste comme ça foiré, mais c'est correct, ça va. Parce que faut dire aussi que c'est le groupe qui l'a un peu... Quémandé, ouais, t'es comme, allez, comment on a fait un circle pit? Alors, j'ai bien tenté, moi et tout, on était deux, à essayer fortement de tournoyer et d'inciter les gens à faire comme nous, plutôt moyen. Ça a été un bon spectacle. Il y a juste une chose qui me tire le pin, et ce sera pas particulièrement pour Pain Relief que d'autres groupes qui peuvent l'avoir dit dans la soirée, que tous les groupes qui le font en général. Tu sais, quand vous dites on est rendu à la 5, 6, 7, 2, justement le groupe faisait une blague, là, tu sais, il disait n'importe quel chiffre, mais je me demandais quand même, musicien, pourquoi tu nous parles de ton setlist? Pourquoi tu nous en parles au public? On est rendu à la 4e chanson. On est rendu à la 6e. Pour de vrai, je la comprends pas. Je comprends pourquoi tu mentionnes ta dernière, parce que ça crée un enthousiasme. Oh non, pas la dernière, on en veut plus! Même des, je sais pas, un show au Centre Bell pourrait aussi le mentionner. Mais c'est rare qu'on va entendre dans des salles de spectacle comme, oui, t'es au Métropolis, alors on est rendu à notre 17e chanson. Tu sais, c'est comme quand, t'as fait un gros setlist, ce serait vraiment absurde, comme de faire un décompte super long, ou genre un show de grindcore, les tunes sont super courtes, fait que tu sais, on pourrait être rendu comme à la 30e. Je sais pas ça. OK, il prend des possibilités humoristiques assez intéressantes, comme ça a été un peu le cas ce soir-là, mais je comprends toujours pas pourquoi tu nous le mentionnes. C'est-tu parce que t'as hâte de finir ou tu penses qu'on est ennuyé? Dans les deux cas, non, non. Non, c'est pas... Non, non, non. Fait que, bref, gardez pas cette habitude-là, musicien. Je la comprends toujours pas. Et c'est pour cette raison-là qu'on va écouter le nombre, parce que vous parlez de chiffres, mais surtout, ce n'est pas pour nous. C'est vrai. C'est pas pour nous, cette information-là, crowd. Leur album Le Nombre et cette chanson était Ce n'est pas pour nous. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. En cette fin de critique de ce week-end, ça tire et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, ça ne s'étirait pas du tout comme fin de semaine punk rock où ça s'est bien conclu avec Danton Fiasco qui sont grand groupe. Est-ce que je dis grand parce qu'ils sont assez nombreux, merci. Écoute, quand tu as une coupe de cuivre sur scène, ça en fait des instruments supplémentaires et même que quand je vous ai parlé de la camaraderie, la familiarité qu'il y avait avec les gens dans la foule, certains leur faisaient des doigts d'honneur et les cuivres répondaient eux-mêmes de doigts d'honneur en pesant sur leur piton avec les majeurs. Alors que de moments coquin-taquin entre... c'est fou comment... Vous voyez, je suis déjà emballée d'en parler parce que le ska, c'est fou! Le ska! Est-ce que c'est le soleil de ta vie? Ça a complètement changé l'ambiance. C'est une grosse piste de danse. Oui, en arrière, des gens attentifs, parfois même les bras croisés ou en train de se frencher. Mais reste qu'en avant, il y avait de l'espace pour danser ton ska. Des fois avec des mouvements un peu pas de mammouth, des fois un peu rigodon. Reste que ça enflamme les gens. T'as envie de suer ta vie en dansant et en t'amusant. Et je vous dis suer parce que j'ai dû comme essuyer mon front 1000 fois. Là, ça a même plus rapport. Mais c'est toujours du bon moment. Je sais pas quand est-ce que tu vas voir un jour du ska pis t'es triste. C'est clair que tu vas ressortir de là emballé. Et ben oui, juste pour le genre, je suis toujours heureuse de pouvoir y assister. Il se passe toujours des affaires un peu coquines. Ben, pas coquines, là, mais juste comme il y a quelqu'un qui mimait de fumer un bat puis qui le partageait à tout le monde. C'est un peu... ça sort un peu de nulle part. C'est drôle. Et en même temps, pour ceux qui le catchaient, c'était bien sympathique. Ouais, il y en avait une coupe. Les mimes, c'était pas trop leur truc. Ils comprenaient rien. Alors, voilà. De Vent de folie, encore une fois, la brasserie Brobien. Et voilà la fin pour cette critique de Crowd. Dans le temps de Fiasco, j'en ai passé il y a 2 semaines dans mon spécial du Poudza Fest. Alors, je te recommande d'aller écouter les balados diffusion pour aller les connaître. Et en cette fin d'émission, vite, je vais passer vite, quelques petites tunes de ska. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine, chers auditeurs de La Marge. Je m'appelle Jolaine Ruet et j'anime Critique de Crowd. que les cochons nous ont vus. Ça que ça passe à nos rues, on doit quitter leur vue. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Si vous vous ennuyez et que vous vous promenez, alors les brigadiers vont venir vous surveiller. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Pourtant, on dit qu'on vit dans la démocratie. Si elle est vraiment ici, alors elle est pourrie. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Et surtout pour les rois, car ils arrivent à loin. Et surtout ne crois pas qu'ils soient de joie et moi. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez le cepsum.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. RJ, de retour sur scène, une prestation de l'album Awesome Wave et de nouvelles chansons. Dimanche le 29 octobre, Place Belle, Laval. Billets en vente ce jeudi à 10h au 1-855-634-4472 evenco.ca ou placebelle.ca. Pour plus d'infos, visitez rjband.com. C'est l'été, qu'est-ce qui se passe en été? On danse à Pique-Nique électronique. Part du bon pied en juin avec Ardalan Back to Back, Christian Martin, B-Trades, Cora, Country DJ Set, Jesse Rose, Prince Thomas et plusieurs autres. Pique-Nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. Vivez un été incroyable avec le Festival international de jazz de Montréal. Voyez aux Savoies du Métropolis, Sylve Jacobson, la jeune merveille folk, la voix soul de la chanteuse québécoise Gabrielle Schunk, Alyosha et son rock élégant aux accents Americana, et le quintet Folk Indie Arfan. Billets au montréaljazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM. Pour sa 11e édition du 30 mai au 8 juin, le OFTEA, Festival d'art vivant, présente une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours d'art émergent, de théâtre, de danse, de performance et d'art multidisciplinaire. Le OFTEA amorce ce nouveau cycle avec la programmation vivifiante qui encourage les festivaliers à naviguer à travers 4 événements spéciaux, 16 spectacles et performances, ainsi que 10 activités satellitaires. Venez découvrir les richesses de la scène émergente de Montréal et fêtez avec nous le début de cette nouvelle décennie de découverte artistique. Pour tout savoir sur cette 11e édition et découvrir la passe Roche, visitez-nous sur Facebook ou sur ofta.com. Les Francopholies de Montréal annoncent l'été. Un événement gratuit chaque soir du 8 au 18 juin. Voyez l'événement d'ouverture Ford avec les trois accords. Dumas, Pierre Quenders et Lydia Kepinski. Yann Perrault avec plusieurs invités. Une excellente soirée. Sorel, Soviet, Saucisse avec Bernard Adamus. Et Karim Ouellet sur scène avec Mosaïen, Sans Pression et bien plus. Info au francopholies.com. Une présentation de Bell en collaboration avec Ford du Canada en association avec La Presse Plus et CISM. Qui dit francopholie dit aussi Foire des Francos. Et oui, c'est le retour de la Foire des Francos présentée par CISM. La Foire des Francos, c'est un marché aux puces où il fait si bon fouiner, échanger et encourager nos artisans locaux. Au programme, musique, art et mode, avec plus de 60 exposants, un DJ set de CISM et une prestation du groupe Le Couloir. Bière, ping-pong et hot-dog seront au rendez-vous. Et le mieux dans tout ça, l'accès est gratuit. Samedi 10 juin, de 11h.